son amor. Au nom de Dieu, Père Christ dans sa parole, ouvre-le dans ton cœur, capte-le dans son esprit, c'est la bataille ouverte dans son amour. Bon courage, fortifie-toi dans ton cœur, Jésus revient donner son amour. C'est un progrès dans ta vie, enfant de ton cœur, tout le lien en Christ par sa parole. Bon courage, au nom de Dieu, par Christ dans sa parole. Ouvre-le dans ton cœur, capte-le dans son esprit, c'est la bataille ouverte dans son amour. Dieu, par Christ dans sa parole, ouvre-le dans ton cœur, capte-le dans son esprit, c'est la bataille ouverte dans son amour. Jésus parle dans ton cœur, répondant la promesse de l'air, pour remplir sa puissance et sa parole. Jésus, Saint-Esprit, c'est l'âme du sang de Christ, et sa vision cernée aux élus. Bon courage, au nom de Dieu, par Christ dans sa parole. Ouvre-le dans ton cœur, capte-le dans son esprit, c'est la bataille ouverte dans son amour. Dieu, par Christ dans sa parole, couvre-le dans ton cœur, capte-le dans son esprit, c'est la bataille ouverte dans son amour.